camion de tes désirs. Dans mes souvenirs rejaillis, dans un geste tendre et robuste, il emporte une pute de luxe. Tout ça mitraille mes pensées et ma création en livrée sortira sans doute demain. En attendant qu'elle m'inspire, j'écoute chanter nos souvenirs dans un numéro de fakir. Oh baby, tu le sais, je ne t'oublierai jamais. Oh baby, tu le sais, je ne t'oublierai jamais. Oh baby, mon amour, moi je t'aimerai toujours. Oh baby, mon amour. Parfois il suffit d'un rien pour se boire un litre de pisse et un petit verre tous les matins pour se souvenir d'Anaïs. Mais ne crois pas que je plaisante, tout seul dans cette ville d'amiante, chaud comme un thé à la menthe. Ton visage m'a toujours dit qu'il s'en irait un lundi, loin de tout et loin d'ici. Oh baby, tu le sais, je ne t'oublierai jamais. Oh baby, tu le sais, je ne t'oublierai jamais. Oh baby, mon amour, moi je t'aimerai toujours. Oh baby, mon amour. Oh baby, mon amour, moi je t'aimerai toujours. Oh.